Histoire, Xavier Mauduit. Histoire des partis politiques. Le 3 mars 1851, le journal Le Charivari publie un papier de Taxil Delors à l'occasion d'une crise ministérielle qui se poursuit en Angleterre. Taxil Delors écrit « De mon temps, il n'y avait que les Whigs et les Tories. La politique était plus facile qu'aujourd'hui. Quand les Whigs ennuyaient la Chambre des communes, eh bien, on prenait les Tories. Et quand les Tories fatiguaient la Chambre des Lords, on appelait les Whigs. » Oui, nous étions en 1851. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les Anglais ont-ils inventé les partis politiques ? Philippe Chassaigne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous réfléchissons bien sûr à la vie politique et souvent en regardant de là où nous sommes. Quand nous parlons révolution, nous pensons à la Révolution française. Mais si nous nous plaçons au XVIIIe siècle, quand il est question de la Révolution, celle qui survient tout de suite à l'esprit, c'est une révolution qui nous conduit en Angleterre. En fait, oui, en Angleterre, il y a eu deux révolutions au XVIIe siècle. Il y a eu la Grande Rébellion, donc 1640-1660, qui voit Charles Ier être décapité à la hache devant le palais de Westminster en 1649. Et pendant les 11 ans qui suivent, eh bien, il n'y a plus de monarchie. C'est un régime qui se prétend républicain. En fait, c'est une dictature militaire puritaine menée par Cromwell. Et puis, il y a la Glorieuse Révolution. Glorieuse parce qu'elle n'a pas fait couler de sang, celle de 1688, où le deuxième fils de Charles Ier, Jacques II, abdique, abandonne le trône et part s'exiler en France avec femme et enfant. Des révolutions en Angleterre au XVIIe siècle, Philippe Chassaigne, peut-on dire que l'Angleterre a échappé à une monarchie absolue ? Ah oui, après la Glorieuse Révolution, il est évident que les Anglais ont échappé à l'absolutisme. Charles Ier avait, il était le beau-frère de Louis XIII. Charles Ier avait pendant 11 ans régné sans parlement pour éviter de demander de l'argent aux parlementaires qui étaient opposés à lui sur le plan religieux, ce qu'on appelle la tyrannie de 11 ans. Et puis lorsque la monarchie est restaurée en 1660, son fils Charles II a aussi essayé de régner sans parlement et Jacques II, qui était, comme son père et son frère, convaincu du droit divin des souverains, a essayé également de contourner le Parlement. Il a voulu mettre sur pied une armée permanente et les Anglais ont évidemment craint que ce ne soit une façon d'instaurer une monarchie absolue. Après 1688-89, c'est plus le cas. Définitivement, le Parlement prend le pas sur la couronne. Nous avons cet acteur majeur qu'est le Parlement. Philippe Chassaigne, qu'est-ce que le Parlement ? Nous l'entendons, et c'est vrai que c'est drôlement simple, la monarchie absolue de droit divin à la française, parce que telle qu'on nous la présente, et c'est pas la réalité, on se dit au moins c'est simple, le roi a tous les pouvoirs. Mais pour le cas de l'Angleterre, il y a ce Parlement qui existe aussi en France, cette chambre de justice, c'est pas la même chose en Angleterre. Non, alors le terme est le même, mais ce sont deux réalités tout à fait différentes. Et donc, outre-Manche, le Parlement se met en place dans les formes que l'on connaît, même si c'est dans les grandes lignes, aujourd'hui, au XVe siècle. C'est un Parlement bicaméral, avec une chambre haute, la chambre des lords, auquel tous les aristocrates du royaume appartiennent par la naissance. Et puis, il y a la chambre basse, la chambre des communes, qui en fait ne représente pas les communes, on l'entend en français, mais c'est House of Commons, donc la chambre des non-nobles. Et où là, les membres, les MPs, Members of Parliament, sont élus suivant un système qui en fait n'a pas changé depuis 1485 jusqu'en 1831. Donc vous voyez que c'était en 1830, c'est quand même sensiblement inadapté. Mais enfin bon, au XVIIe siècle, c'est comme ça. Et cette chambre, enfin ces chambres, parce que le Parlement est constitué de deux chambres, a un rôle important, notamment dès qu'il est question d'argent. Le roi d'Angleterre s'en rend compte. En l'occurrence, ici, c'est Michel Bouquet, c'est Charles Ier. Tu m'as fait mal, Herbert. Sire, c'est le savant d'aujourd'hui. Il ne vaut rien depuis... Depuis ? Depuis qu'on a créé le monopole du savon, sire. On sait, moi. Je ne me permettrai pas. Merci. Et je le sais bien qu'il ne vaut rien. Mais comment veux-tu que je vive sans vendre des monopoles ? Nous ne sommes pas ici en Espagne ou en France où le roi peut lever des impôts. Ici, c'est le Parlement qui est le percepteur. Comme je n'ai plus de Parlement... Je vis d'expédient. En 1963, dans l'émission La Caméra explore le temps, Michel Bouquet et Charles Ier, Philippe Chassaigne, nous sommes avant 1649, puisque nous entendons Charles Ier parler. Après, il se fait décapiter, donc il n'a plus besoin de savon. Comment se constitue le Parlement au début du XVIIe siècle? Pour le dire autrement et de manière plus simple, existe-t-il déjà des partis, au moins des grands courants politiques? Alors, on peut faire remonter l'apparition des partis politiques, soit à l'origine des partis politiques d'aujourd'hui, un peu plus tard, sous la Grande Rébellion, et surtout dans les années 1680. En revanche, à l'époque de Charles Ier, il y a effectivement un clivage au Parlement. En fait, la Chambre des communes est dominée par les puritains, donc des protestants intransigeants qui veulent purifier donc l'anglicanisme et le rapprocher du calvinisme, et qui sont très opposés à Charles Ier, qu'ils soupçonnent d'être crypto-catholique. Bon, ce n'est pas tout à fait exact, mais enfin bon, il a épousé la sœur de Louis XIII, donc pour eux il est suspect dès le départ. Et donc les puritains vont défendre les droits du Parlement, tandis que les partisans de Charles Ier vont défendre la prééminence de la couronne. Et après, c'est le clivage qui va se reproduire, c'est qu'en fait les Tories vont être qui apparaissent vers 1685, sont partisans d'une couronne forte, tandis que les Whigs sont partisans des droits du Parlement qui prédominent sur ceux de la couronne. Alors là, vous venez de prononcer ces deux mots que nous avons croisés souvent en faisant des études, les Whigs et les Tories, avec toujours cette incertitude. Mais qui est qui dans cette histoire? Rémy Duthy, bonjour. Bonjour. Merci vivement d'être avec nous. Et justement, au moment de penser la vie politique en Angleterre, apparaissent ces noms, Whigs et Tories. Alors, prenons-les l'un après l'autre. Qui sont les Whigs? Alors, les Whigs et les Tories arrivent sur la scène à peu près entre 1678 et 1682, lors d'une crise, dite crise de l'exclusion. Le roi Charles II tente d'être un roi absolu, en tout cas de gouverner sans parlement. Son frère, qui est l'héritier au trône, est catholique, c'est le duc d'York. Et donc une faction au parlement émerge qui veut exclure de la succession le duc d'York. Et on les appellera, ces exclusionnistes, on les appellera les Whigs. Le terme est un terme à l'origine d'insulte qui vient de l'écossais, de Whig qui signifie aller rapidement, et de more qui est l'équivalent de mare, la jument. Donc j'aurais envie de dire quelque chose comme fouet de jument, qui faisait référence à des raids écossais puritains dans les années 1630. Donc il y a une filiation linguistique de l'insulte entre la Grande Rébellion et les années 1678-1680. Et les Tories, à l'inverse, sont les royalistes qui défendent les droits de la couronne, comme l'a dit Philippe Chassaigne, qui défendent la succession intangible du frère, la monarchie de droit divin. Et le mot Tory est lui aussi un terme d'insulte qui vient d'Irlande et qui fait référence, je crois, à des voleurs de grands chemins. Donc c'est lié au catholicisme. Et donc les Whigs et les Tories n'ont pas d'existence légale. Ce sont pas du tout des partis reconnus par la Constitution ou par les textes. Ce sont des mots que l'on trouve dans les pamphlets. Et lors de cette crise de l'exclusion, les Tories gagnent sur toute la ligne, c'est-à-dire que le duc d'York va succéder à son frère Charles II. Les Whigs sont proscrits, nombre d'entre eux doivent s'exiler à Amsterdam ou en Hollande. Le duc d'York monte sur le trône, donc sous le nom de Jacques II, en 1685, et c'est lui qui se fera donc détrôné en 1688, seulement 3 ans plus tard, par son gendre Guillaume d'Orange. Dans ce grand mouvement politique, nous l'entendons, hein, il y a des questions de religion, il y a aussi la place que certains accordent au Parlement ou au roi. Philippe Chassaigne, un parti politique, bien sûr, c'est une communion d'idées, plus ou moins net, et on sait que parfois cela peut être très flou. Et puis, c'est une organisation, cette idée d'organisation, nous la connaissons bien aujourd'hui avec des militants, des cartes de militants. Nous ne sommes pas du tout dans cette structure-là avec les Whigs et les Tories à la fin du XVIIe siècle. Non, absolument pas, en effet. Whigs et Tories, ce sont en fait des grandes familles d'idées, hein, familles politiques. Et puis, à l'intérieur de ces familles, il y a des grandes figures nobiliaires qui vont associer, enfin réunir autour d'eux ce que un éminent angliciste, Paul Gabriel Bousset, dans les années 60-70, avait appelé donc des factions. Donc plus que des partis politiques, sont des factions. Et outre-Manche, les partis politiques n'apparaissent que dans la première moitié, première moitié du 19e siècle pour les Tories qui étaient les conservateurs, et seconde moitié du 19e siècle pour les Whigs qui vont évoluer dans le Parti libéral. Philippe Chassaigne, vous parlez du début du 19e siècle pour cette structuration du monde politique en Angleterre avec quelque chose qui ressemble un peu plus à des partis. Nous savons que la Révolution française est un moment important dans notre histoire pour ce bouleversement politique. Est-ce qu'il y a une influence? Parce que j'ai l'impression, moi, que cette influence est double. Que ce monde anglo-saxon, en tout cas britannique, influence la vie politique française comme un mirage ou un idéal à atteindre pour certains. Et à l'inverse, ce qui se passe en France peut influencer de l'autre côté de la Manche. Alors, ce qui se passe en France a effectivement influencé le côté de la Manche, parce que les Jacobins et les Républicains ont suscité un grand intérêt dans les groupes qu'on appelle les groupes radicaux, qui, à la fin du XVIIIe siècle, réclamaient en Grande-Bretagne une refonte radicale du système politique, notamment l'élargissement du droit de vote. Et donc alors ces Jacobins anglais, britanniques désormais, ont été pourchassés pendant la période de la Révolution française. On considère que c'était une sorte de cinquième colonne. Hein. L'Angleterre est en guerre avec la France entre 1792 et 1815, pratiquement sans interruption. Et donc ces Jacobins britanniques ont été pourchassés. Et en revanche, ce qui se passe en Angleterre influence aussi en France, parce que sous Louis XVI, il y avait déjà un courant anglophile autour du duc d'Orléans. Donc Philippe d'Orléans, Philippe Égalité, hein, celui qui a voté la mort de son cousin. Et en 1814, la charte qui est promulguée, enfin qui est accordée par Louis XVIII à ses nouveaux sujets, s'inspire très largement du système politique britannique. Et dans ce mirage, cet idéal à atteindre qu'est ce monde britannique, c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, quand nous lisons l'idéal sans cesse, c'est une vie parlementaire britannique pour ceux qui en France vivent sous une monarchie absolue. Il y a ce discours radical en Grande-Bretagne. Rémy Dutty, c'est le titre de votre ouvrage. Hein, ce discours radical, quel est-il en Grande-Bretagne ? Alors le mot radicalisme a beaucoup d'acceptions, mais en gros cela vient de la question de la réforme radicale. Les radicaux voulaient une refonte radicale, c'est-à-dire revenant aux racines, à l'origine de la Constitution. Et donc à partir des années 1760, on a des figures charismatiques et transgressives comme John Wilkes. On a des revendications essentiellement d'élargissement du suffrage. Il faut savoir qu'environ un homme sur quatre a le droit de vote au début du 18e. Cette proportion a tendance à baisser à cause des changements démographiques et à cause de la loi qui s'est un peu fossilisée. Et donc, on réclame le droit de vote pour les bourgeois, on le réclame également pour les catholiques, pour les anglicans qui ne font pas partie de la... Pardon, pour les protestants qui ne font pas partie de l'église anglicane et qui sont exclus pour toutes sortes de raisons. Et ce radicalisme qui est essentiellement bourgeois, qui développe ses arguments pendant la Révolution américaine, dans les années 1770-1780, prend une toute autre tournure dans les années de la Révolution française, parce que à partir de 1792, des artisans, des ouvriers qualifiés à Londres et dans les villes industrielles du Royaume se mettent à lire de la prose politique française, américaine. Certains s'arment, se constituent en bataillon, et à partir de là, il y a une très très forte réaction du gouvernement de Pitt, qui ne peut pas supporter cette intrusion des masses dans la politique. Et là, les revendications sont beaucoup plus radicales d'une certaine façon, c'est-à-dire suffrage universel masculin. Certaines personnes évoquent le suffrage des femmes, mais c'est encore extrêmement extrêmement rare. Les féministes françaises comme Olympe de Gouges ou Thérouanne de Méricourt sont assez peu connues, mais il y a Mary Wollstonecraft en Angleterre. Mais enfin, l'idée est posée sur la table, mais donc cette idée que les communes puissent être élues par les pauvres, par n'importe qui, est tout à fait insupportable pour Pitts, mais aussi pour la majorité de l'opposition Whig, qui finalement va se rallier derrière Pitt et derrière l'effort de guerre. Donc là, on a une période d'intense polarisation, où une idéologie conservatrice se cristallise autour de Pitt, qui ensuite donnera le parti Tory, puis le parti conservateur à partir de 1820, et un radicalisme qui va travailler de l'intérieur le parti Whig, qui ensuite deviendra le parti libéral. Philippe Chassaigne, à écouter ce que vient nous dire Rémi Dutille, nous entendons bien que l'idée même de démocratie est liée à la réflexion des partis politiques. La structure d'un parti doit répondre à une attente d'un électorat, et en l'occurrence là, qui est un peu plus important que par le passé. Oui, c'est qu'en fait, en Grande-Bretagne, il y a deux réformes électorales importantes au XIXe siècle. Il y a 1832, et puis il y a celle de 1867. Et la plus importante, c'est celle de 1867, à mon sens, dans la mesure où elle élargit le corps électoral en incluant les classes moyennes et ce qu'on appelle parfois l'aristocratie ouvrière, donc les ouvriers qualifiés, les mieux payés. Et donc là, avec un corps électoral qui dépasse le million d'habitants, enfin d'électeurs, pardon, ou de personnes, avec un électorat qui dépasse le million de personnes, les Whigs et Tories comprennent qu'il faut se structurer, et donc d'agglomérats de coteries ou de factions, même si le parti Tory s'était doté d'un programme dès 1834. Donc on passe à des partis politiques structurés qui sont d'abord des machines à gagner les élections. Oui, c'est ça. Parce avec que... en particulier... Il faut en rappeler, c'est ça, c'est pour gagner les élections que ah oui, les partis oui, se constituent. Il y a un corps électoral qui devient important. Il faut aller dans chaque circonscription pour faire élire son candidat. Ce qui fait que d'ailleurs, les partis politiques conservateurs et libéraux, ce sont à la base des fédérations des partis de circonscription. Oui, c'est ça. C'est ce monde très particulier que nous étudions aujourd'hui avec cette question. Les Anglais ont-ils inventé les partis politiques ? Entendions Big Ben pour réfléchir aux partis politiques en Angleterre. Alors, partis politiques en Angleterre, peut-être que les Anglais ont inventé quelque chose, bien sûr. Ah, c'est l'heure. Mais les Anglais, nous l'avons entendu avec vous, hein, Philippe Chassaigne, sont en inspiration aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, leur notion même de parti évolue selon la vie politique. Vous nous avez bien dit qu'il n'y avait pas, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, de parti avec des cartes, des adhérents, etc. Vous avez évoqué la notion de chef. Et ça, c'est intéressant. Comment devient-on chef de parti, le mot leader? Et là, je peux utiliser un anglicisme. Lorsque les partis politiques se constituent donc au XIXe siècle, le leader c'est le candidat du parti à la fonction de premier ministre. Et le leader du parti, ce n'est pas le président. Le président c'est chairman qui a une fonction purement administrative. Et le leader c'est vraiment le chef de proue quoi. La tête de proue, excusez-moi, du parti. Et en fait, les candidats font campagne sur son nom. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons un mouvement, et c'est aussi ce qui peut nous surprendre, vu de France, en étudiant le modèle anglais, c'est cette adaptation constante, cette continuité. Rémy Dutille, le mot constitution a été prononcé, mais il n'y a pas de constitution. Alors, nous, nous sommes forts en constitution en France, puisque nous en rédigeons plein. Certaines sont appliquées plus ou moins longtemps et souvent contestées. Là, depuis le XVIIe siècle, mais même avant, parce que nous parlons aujourd'hui à partir du XVIIe siècle, il y a des textes, mais qui sont sans cesse adaptés. Il n'y a pas un texte définitif. Non. Non, et justement, ce qui est amusant, c'est qu'en France, on aime dater les droits par des dates très très précises, au jour près, la loi de 1905, la constitution de 93, etc. Alors qu'en Angleterre, on a l'impression que les choses émergent. Par exemple, on va dire que... Robert Walpole est le premier ministre. Il règne entre guillemets entre 1721 et 1742, mais à l'époque on l'appelle Prime Minister par dérision parce que ses adversaires considéraient que constitutionnellement il empiétait sur les droits du monarque et prenait à son compte des prérogatives du monarque. Et donc le terme Prime Minister arrive dans l'usage par dérision. Puis devient accepté, puis devient de la doctrine constitutionnelle plus tard. Et donc nous avons beaucoup de choses comme ça. Le statut lui-même des partis et le statut de l'opposition. On a tendance à se représenter l'Angleterre des siècles passés comme une espèce de démocratie parlementaire avec une alternance. Gentillette d'un parti au pouvoir qui ensuite va dans l'opposition et puis qui revient au pouvoir après. Et ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que l'opposition est considérée comme factieuse. C'est-à-dire qu'il y a Her Majesty's Government et quand on fait pas partie du gouvernement de Sa Majesté, on est un opposant, on est un factieux. Et là encore, le statut constitutionnel de l'opposition s'établit entre les années 1780 et 1830. Donc on est à 50 ans près. Et restons au XVIIIe siècle, hein, au siècle de Robert Walpole que vous évoquiez à l'instant, pour constater combien la notion de parti n'est pas si simple que nous l'entendons, au sens où, dans la société, tout est parti. L'hiver dernier, j'allais voir un opéra où je ne pus éviter de prendre garde à deux parties de très belles dames placées dans les loges, des deux côtés à l'opposite les unes des autres, et qui semblaient rangées en bataille pour en venir aux mains. Après les avoir un peu observées, je m'aperçus qu'elles différaient dans la situation de leurs mouches, puisque les unes les avaient au côté droit et les autres au côté gauche du front. Je remarquais d'ailleurs qu'elles se lançaient des regards menaçants et que leurs mouches étaient un signal qui servait à distinguer les partis, les amis des ennemis. Je trouvais au bout du compte que les Amazones placées à ma droite étaient du parti des Whigs, que celles qu'il y avait à ma gauche appuyaient la cause des Tories et que les autres, qui occupaient les loges du milieu, observaient la neutralité puisque leur visage ne s'était pas déclaré. Dans le journal Le Spectateur, Joseph Addison décrypte les visages qu'il voit à l'opéra avec ses mouches, hein, ses grains de beauté. Alors selon le côté où est placée la mouche, on sait à quelle partie appartient la personne. Alors qu'aujourd'hui, dans la société, nous avons de plus en plus de mal à identifier qui appartient à quelle partie. Rémy Dutille, il y a une lecture d'histoire sociale à faire de cette vie politique en Angleterre. Oui, bien sûr, cette affaire de mouche chez Addison est assez révélatrice parce que dans la suite du texte, Addison dit que les femmes finalement devraient toutes se réconcilier, elles devraient faire comme les matrones romaines et les sabines de l'Antiquité, aller déposer leurs bijoux au trésor national pour financer l'effort de guerre et retourner à leur foyer et à l'éducation de leurs enfants. Donc ce joli extrait qu'on a entendu se termine finalement par une leçon morale très misogyne, mais bon, qui n'est pas la seule à l'époque. Mais Mais en fait, tout est politique d'une certaine façon. Je pense à la politique du vin, par exemple. Le Bordeaux, le Claret rouge était un vin tory, tandis que le Porto était plutôt d'obédience Whig. Alors, après la Glorieuse Révolution, les Tories boivent des grands crus de Bordeaux parce que c'est la France absolutiste de Louis XIV. C'est là que s'est réfugié Jacques II après sa fuite en 1689. Et les Whigs, qui ne veulent pas boire du coup un vin connoté royaliste, se mettent à boire du Porto parce que le Portugal est un allié militaire dans la lutte dans la guerre contre la France de Louis XIV. Donc on a le vin Whig et le vin Tory. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres dans les domaines de l'habillement. On trouve aussi toute une riche culture matérielle. On parlait du radicalisme tout à l'heure. Si on prend la figure de l'agitateur Wilkes, qui était très populaire à Londres. En raison de ses outrances, de son insolence, il avait aussi publié un poème pornographique ou érotique, on dirait aujourd'hui. Les gens buvaient du punch dans des bols à punch à l'effigie de Wilkes. Donc, on n'avait pas encore inventé le t-shirt politique à l'effigie de son leader favori, mais on avait déjà de la vaisselle, des salières, des verres, enfin tout un tas d'objets de la vie quotidienne qui inséraient finalement la politique partisane, Whig, Tory, radical, etc. au sein des foyers. Philippe Chassaigne, la vie politique française est structurée par des partis politiques, mais pour la plupart des militants, pour beaucoup de militants, c'est au moment de l'élection que s'exprime l'appartenance à un parti. Pour le modèle anglais, nous sentons bien qu'ici, ce n'est pas la même chronologie, vu que tout est signe dans cette vie politique. En fait, l'idée d'être dans un parti, d'appartenir à un parti, c'est quelque chose de constant au-delà de l'élection. Oui, c'est une sorte d'engagement. Mais je pense que c'est lié au fait que j'évoquais tout à l'heure les partis de circonscription. Et le rapport des Britanniques à leur parti politique, alors bon, maintenant ça a probablement changé, enfin longtemps, il y avait un rapport de proximité. Il y avait le Conservative Club de telle circonscription et le Reform Club. Donc là, on comprenait que c'était le parti libéral. Et du coup, les partis politiques ont une importance plus grande dans la vie quotidienne. On pense aussi aux rosettes, donc bleu pour les conservateurs, jaune pour les libéraux, maintenant libéraux-démocrates, rouge pour les travaillistes, lorsque les travaillistes sont devenus le deuxième parti de gouvernement en 1924. Et c'est une façon, le jeu des couleurs est beaucoup plus important. Et puis cette histoire n'est pas qu'une histoire d'idéaux, d'orientation politique, c'est aussi une histoire de famille. Il y a ceux qui, en Angleterre, naissent conservateurs. Leur enfance, ils la passent dans les allées d'Hyde Park, dans de landaux confortables. Quelques années plus tard, ils apprennent à monter à cheval, car tout gentleman anglais doit savoir monter à cheval, ne serait-ce que pour chasser à court. À 11 ans, il commence à se déguiser, si je peux dire. C'est son premier uniforme, la jaquette. Il est à Eton. À Eton, où en réalité, on ne l'instruit pas, on l'éduque. On lui apprend les bonnes manières et on lui apprend qu'un gentleman doit pratiquer sans crainte les sports dangereux. Tel que par exemple le wall game, que personne n'a jamais compris s'il n'a pas été à Eton. Le wall game, le jeu du mur, un peu de rugby, un peu de football, des trucs qui ressemblent à Harry Potter et tout le monde se tape. Nous étions en 1959 dans l'émission 5 colonnes à la une. Rémi Dutille, ah c'est essentiel cette lecture aussi de tradition familiale pour comprendre les orientations politiques des uns et des autres. Oui, bien sûr. Les hommes du XVIIIe siècle avaient tendance à faire remonter le parti Whig aux têtes rondes, à Cromwell et aux parlementaires, de faire remonter les Tories aux royalistes. Bon, depuis cette lecture est critiquée, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire que quand on est dans une famille Whig, on le reste, et c'est un acte de défiance et de désobéissance vis-à-vis de la tradition paternelle que de changer de parti. Alors il y a des transfuges au 18e, ça existe, mais alors la les missions évoquées Eton, et c'est vrai que les public schools comme Eton ont été réformées au début du 19e siècle. Il y avait des sociétés de débat dans lesquelles les jeunes des élites, de l'aristocratie, apprenaient à débattre comme ils le feraient au Parlement. Pourtant, spatialement, ce n'était pas conçu comme au Parlement, avec deux rangées de bancs qui se faisaient face à face, mais ça ressemblait quand même. Et les enfants, dès leur plus jeune âge, savaient qu'ils faisaient partie d'une famille Whig ou Tory, ils connaissaient les familles alliées ou rivales. Et presque, nous pouvons dire qu'il faut être anglais pour comprendre cette vie politique, et notamment, vous évoquez, Rémy Dutty, ce qui se passe à la Chambre des communes, avec ces députés qui sont face à face et qui poussent des cris ambiance à la Chambre des communes. We do not address people by the titles of their spouses. The Shadow Foreign Secretary has a name. And it's not Lady something. We know what her name is. And it is inappropriate and frankly sexist to speak in those terms. And I'm not having it in this chamber. Order, voilà. Order. Philippe Chassaigne, c'est très étonnant d'entendre ces moments-là, mais nous les voyons régulièrement dans les actualités. Cette vie politique est faite d'énormément de codes. Ces codes sociaux, nous l'évoquions avec les vêtements, mais pas seulement, des codes de savoir-être. Là, pour décrypter un tel moment, c'est complexe. Je vous dis, il faut être anglais. Oui, absolument. Ce sont des pratiques que la plupart des élus à la Chambre des communes ont largement appris. Il y a depuis une vingtaine d'années, il y a peut-être un renouvellement plus grand des députés, mais longtemps il y avait effectivement ces familles qui se succédaient, souvent même c'était le même siège qui était représenté par la famille, et donc ils étaient tous comme des poissons dans l'eau. Et dans les codes aussi, il y a tout le cérémonial qui précède la lecture du discours du trône, donc ce sont des choses qui renvoient à des souvenirs pour le discours du trône, que le fait que le représentant du souverain ne puisse pas entrer dans la Chambre des communes, ça renvoie à un épisode qui précède même la grande rébellion de 1640. C'est-à-dire, c'est quel moment ça empêchait le roi d'intervenir? C'est en 1625, lorsque Charles Ier est entré avec des hommes en armes dans la chambre des communes pour arrêter les sept principaux leaders de l'opposition puritaine. Et donc, une fois que Charles Ier a été décapité au moment de la restauration de la monarchie en 1660, il a été bien stipulé que le souverain ou son représentant ne pouvait plus entrer dans la Chambre des communes. Philippe Chassaigne, dans la vie politique française, régulièrement, il y a ce discours du table rase. On déchire l'ancienne constitution, nouvelle vie politique. Les partis politiques changent régulièrement de nom. Il fait peau neuve. Dans cette vie politique, alors anglaise et plus globalement britannique, il y a comme un conglomérat que toute l'histoire est sans cesse présente. Et ce que vous nous évoquez là est intéressant. Par exemple, ce qui nous conduit au XVIIe siècle, le roi ne peut pas rentrer. Nous avons toujours ces codes qui sont présents aujourd'hui. Oui, parce que il y a un héritage culturel et historique, alors qui est très fort, je dirais, au sein du Parti conservateur, puisque c'est le seul parti qui n'a pas changé en quelque sorte depuis 1834. Lorsque les Tories deviennent les conservateurs. Et puis Rémy Dutty tout à l'heure parlait de l'alternance entre conservateurs et libéraux. Et puis ensuite, en 1923, ce sont les travaillistes qui deviennent le parti de l'opposition de Sa Majesté. Et donc, les libéraux sont devenus ensuite l'alliance avec les sociodémocrates, c'est l'alliance libérale-démocrate. Et en fait, le parti libéral, si on fait exception de la coalition entre 2010 et 2015, les avatars successifs du parti libéral n'ont pas été très flatteurs. Hein. Ce n'est plus que the shadow of its former self, l'ombre de ce qu'il était autrefois. Pour le parti travailliste, c'est un parti qui a connu aussi des changements idéologique avec le travaillisme, le old labor, l'ancien travaillisme, et le travaillisme nouvelle manière, new labor, que Tony Blair a mis en place entre 1994 et 2007, où on peut même aller jusqu'aux élections de 2010, perdues par le parti travailliste. Philippe Chassaigne, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes l'auteur d'une histoire de l'Angleterre des origines à nos jours chez Flammarion et puis chez Champ Histoire, et de la Grande-Bretagne et le monde de 1815 à nos jours chez Armand Collin. Dans cette lecture sur le temps long de l'histoire de l'Angleterre, cette vie politique est une vie d'adaptation, mais la rupture majeure n'apparaît pas, au sens où notre lecture française de l'histoire est marquée par des ruptures, des révolutions régulières. Ce qui se met en place au XVIIe siècle en Angleterre, eh bien, se retrouve, je vous le demande autrement, est-ce que quelqu'un d'un parti conservateur aujourd'hui se reconnaît dans cet héritage très long avec les Tories? Oui, globalement. Comment dire, Boris Johnson se pique d'être féru d'histoire et il se rêve en Churchill du 21e siècle. Bon, mais disons qu'en fait, pour le Parti conservateur, la rupture entre le conservatisme ancien modèle et le conservatisme nouveau modèle, c'était Margaret Thatcher. Et donc elle a été premier ministre entre 1979 et 1990. Ensuite sa stature a porté son ombre sur le parti conservateur longtemps, trop longtemps sans doute. C'est pour ça que les conservateurs sont quand même restés éloignés du pouvoir pendant un certain temps. Je suis plus certain aujourd'hui que le thatchérisme soit vraiment le credo de Boris Johnson. Mais il n'empêche que la grande partie des députés conservateurs est quand même très imprégnée de cette histoire du parti, à court terme, moyen terme et long terme. Dites-nous, Rémi Dutty, il n'est pas possible dans la vie politique britannique de faire sans cette lecture-là, qui est une lecture ancienne, oui, où la société est baignée de cette culture politique-là. De ces références, oui, oui, c'est difficile de ne pas faire référence à l'histoire, en effet. Mais même les conservateurs ont eu, je dirais, quelques retournements. Margaret Thatcher, par exemple, a célébré la glorieuse révolution de 1688, puisque invitée au bicentenaire de la Révolution française en 1789, elle expliquait à Mitterrand que l'Angleterre avait fait mieux 101 ans auparavant, et donc elle avait une lecture extrêmement Whig de la glorieuse révolution, ce qui lui a été reproché. Donc les héritages sont parfois un peu sélectifs, mais tant Margaret Thatcher que Boris Johnson pourraient se revendiquer de Pitt, par exemple. Mais alors, la rhétorique de la table rase est beaucoup plus difficile, je pense, pour n'importe quel parti. Le parti travailliste ne peut pas se prévaloir de racines Whig. Ce serait grotesque. Si on pense aux Whig du XVIIIe siècle, leur chef de file, c'est le duc de Devonshire, celui qu'on voit dans The Duchess, par exemple, qui vit dans un palais. Donc ça n'est pas du tout raccord par rapport aux travaillistes, même au New Labour. Donc, il y a des traditions ouvrières du côté travailliste. Ce sera plutôt la tradition ouvrière qui remontera au chartisme des années 1840 et peut-être au radicalisme de la fin du 18e. Mais en tout cas, il y a un ancrage historique auquel on n'échappe pas. C'est sûr que Margaret Thatcher, assistant au bicentenaire de la Révolution française en 1989 et qui se déclare héritière, c'est bien parce que ces deux révolutions, à un siècle d'écart, ce télescope. Philippe Chassaigne, nous parlons de deux partis politiques, mais n'y a-t-il que deux partis politiques en Angleterre? Alors non, il y a, enfin, si on prend l'ensemble du Royaume-Uni, il y a effectivement le parti conservateur, le parti travailliste, le parti libéral-démocrate, qui ont une assise nationale, mais en Irlande du Nord, en Écosse, au Pays de Galles, il y a une scène politique régionale qui est assez différente. En Écosse, le premier parti, c'est le Parti National Écossais, le SNP. Le parti travailliste qui longtemps dominait de façon quasiment hégémonique en Écosse est pratiquement effacé de la carte. En Irlande du Nord, il n'y a pas de parti qui soit hégémonique. Il y a les unionistes, il y a le Sinn Féin, mais il y a aussi le parti social-démocrate, le SDLP, Social Democratic Labour Party, centre-gauche. Il y a il y a un deuxième parti unioniste, il y a le DUP, et puis l'autre parti, mais enfin bon. Et au Pays de Galles, il y a la scène politique est dominée par le Parti travailliste et par le Plaid Cymru, donc le parti nationaliste gallois. Et les libéraux qui, autrefois, avaient quand même une forte importance au Pays de Galles, jouent un rôle tout à fait secondaire, et parlons même pas des conservateurs. Ça, c'est le panorama aujourd'hui et qui est très intéressant parce qu'il fait écho à l'histoire même du Royaume-Uni, hein, avec l'Écosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles. Et vous nous avez dit, Philippe Chassaigne, que, eh bien, ces partis politiques se structurent au sens assez proche où nous l'entendons aujourd'hui au 19e siècle et puis surtout à la fin du 19e siècle. Qu'en est-il auparavant? C'est-à-dire que, hors une construction de parti avec une organisation dans le but de gagner des élections, eh bien, hors cette construction-là, y a-t-il une place pour d'autres mouvements politiques? Au XVIIIe siècle, le troisième acteur du jeu politique, ce sont effectivement les radicaux, dont Rémy Dutille parlait tout à l'heure. Mais autrement, c'est tout. En fait, là, c'est un système qui est beaucoup plus simple. Et c'est beaucoup plus simple parce que, de toute façon, en 1760, en Angleterre, il y a à peine plus de 200 000 électeurs. Oui, c'est ça. Donc on a un corps politique qui est très restreint. Et puis il y a un acteur que nous avons évoqué sans cesse dans cette émission sans l'aborder directement, mais c'est le souverain, le roi ou la reine qui ne peut pas entrer à la Chambre des communes, nous l'avons bien compris et vous nous avez expliqué pourquoi, Philippe Chassaigne. Mais malgré tout, il y a ce moment très important, c'est l'ouverture du Parlement à Londres. Alors là, aujourd'hui les caméras du monde entier s'en régalent, mais alors ce n'est pas l'histoire parfois qui empêche la reine d'entrer au Parlement. Fidèle à la tradition comme elle sait l'être, la Grande-Bretagne avait sorti ce jour-là le carrosse royal, la couronne et quelques chapeaux melons. La reine et le prince Philippe se dirigeaient vers le Parlement avec tout l'apparat sans lequel l'ouverture de la session annuelle ne serait pas ce qu'elle est. Cette année cependant, les chevaux de la reine ont introduit à la fois de l'inédit et du suspense dans ce cortège réputé classique. On a pu croire à l'instant qu'ils allaient refuser à la souveraine l'entrée du Parlement. On n'avait jamais vu ça. Si l'on ajoute à cette manifestation de non-alignement le refus tout net de participation opposé par l'un des chevaux à son cavalier, une question se pose. Faudra-t-il désormais composer, jusque dans les écuries royales, avec l'opposition de Sa Majesté ? L'opposition dans les écuries royales, c'est le journal des actualités françaises en 1962 à l'occasion de l'ouverture du Parlement à Londres. Philippe Chassaigne, la place du souverain, alors là en l'occurrence c'est une reine, c'est Elisabeth II, est importante dans cette vie politique. Nous l'avons bien compris, les Tories plutôt conservateurs vont défendre la couronne dans une lecture traditionnelle, mais en fait ce serait extrêmement simpliste parce que les Whigs aussi sont dans ce mouvement-là. Oui, de toute façon, le fondement, la quintessence du système politique britannique, c'est le king ou queen in parliament, donc le monarque en son parlement. Et donc, on ne peut pas le dissocier. Bien sûr, le souverain lit le discours du trône qui est rédigé par le Premier ministre. Et Elisabeth II annonçait tour à tour des nationalisations, des privatisations, des renationalisations et des reprivatisations. Bon, mais par exemple, la dernière ouverture de la session parlementaire, le discours du trône est élu par le prince Charles. Mais à côté du prince Charles, il y avait la couronne impériale d'État qui symbolisait le souverain, parce que Charles, il n'est pas encore roi. Et donc, pour avoir la Queen in Parliament, il fallait qu'il y ait la couronne impériale d'État qui était l'incarnation, si vous voulez, de la reine. Voilà, la reine incarnée par sa couronne. Pour finir, Rémy Dutille, vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à l'université Bordeaux-Montaigne. Bordeaux-Montaigne représenté en force aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le discours radical en Grande-Bretagne, 1768-1789 », publié aux presses universitaires d'Oxford. Et puis « Sociabilité et convivialité en Europe et en Amérique, 17e-19e siècle », avec d'autres co-auteurs, Jean Monod et Cécile Révauger. Dans cette lecture de la vie politique britannique, sommes-nous dans un monde extrêmement original? Nous savons bien qu'il y a des inspirations. Comparons avec d'autres espaces très influencés, les États-Unis, la France également. Malgré tout, il n'y a jamais exportation du modèle parce qu'il est tellement spécifique à l'Angleterre. Je dirais qu'il y a une exportation dans l'Empire britannique au 19e siècle pendant les années fastes, et donc ce qui fait que le modèle de Westminster se trouve répliqué à des degrés divers dans des pays comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais en dehors de ces pays-là, c'est vrai qu'on retrouve des traits du système partisan, mais parfois plus l'apparence que la substance. Si on pense aux États-Unis, les États-Unis ont une phraséologie qui, pour un angliciste britanniciste, paraît un petit peu bizarre et très 17e siècle, avec un Attorney General au lieu de ministre de la Justice. Enfin, ils ont des titres comme ça, qui un peu anglais archaïque, alors que pourtant ils ont un système partisan original. Mais aux États-Unis, on parle volontiers de système des partis. Les historiens parlent de premier système, donc à l'époque de Washington, Jefferson, Madison, etc., jusqu'en 1820. Et puis après, il émerge un deuxième système. Puis après, il y a le parti républicain qui arrive en 1854. Alors qu'en Angleterre, on se refuse à périodiser. On périodise seulement d'après les souverains, comme si un souverain définissait une époque politique. Donc la reine Victoria étant décédée, tout doit changer. Alors que si on y pense, finalement, le parti travailliste britannique date de 1900. C'est à peu près les mêmes années que la SFIO. Donc il y a aussi eu des systèmes successifs de partis en Grande-Bretagne, mais les historiens se refusent à le faire parce qu'on est un petit peu dans ce mythe de la continuité dont vous parliez tout à l'heure. Ben c'est passionnant de déstructurer le mythe, de le démonter. Non, mais c'est vrai, parce que cette idée que ces Anglais vivent dans la démocratie depuis longtemps avec des partis organisés, nous voyons bien que c'est bien plus compliqué et que c'est une histoire beaucoup plus sociale aussi que politique. Merci vivement à tous les deux de nous avoir éclairés sur ces partis politiques. Merci. Philippe Chassaigne, je rappelle, Histoire de l'Angleterre des origines à nos jours, ou encore La Grande-Bretagne et le monde de 1815 à nos jours. Et puis merci aussi à vous, Rémy Dutille, Le discours radical en Grande-Bretagne. Mais pour le moment, voici l'heure de retrouver celui qui, de pas radical du tout, c'est Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Fallait-il célébrer le bicentenaire de la bataille de Waterloo? Tous les Français savent que Napoléon Ier a été définitivement vaincu à l'issue de la bataille de Waterloo. Mais beaucoup ignorent encore que cette bataille a été d'une importance capitale dans l'histoire de l'Europe, car elle a mis aux prises des troupes de plusieurs pays, et la défaite de Napoléon s'est soldée par le traité de Vienne qui a redessiné durablement les frontières entre les principaux États du continent. Waterloo, le champ de bataille européen le plus visité aujourd'hui, est un lieu de mémoire original puisqu'il est centré sur un seul événement qui n'a duré que quelques heures, le 18 juin 1815. En 2015, les autorités belges ont voulu commémorer le bicentenaire de cette bataille qui a eu lieu sur leur territoire afin d'adresser un message de réconciliation et d'union à tous les peuples d'Europe. La région wallonne a investi près de 40 millions d'euros pour la rénovation du site. Elle a mis en valeur la route Napoléon qui rappelle le trajet que l'empereur a emprunté en Belgique durant les 4 jours qu'il y est resté. La monnaie royale de Belgique a voulu apporter sa contribution à l'événement en émettant une pièce commémorative de 2 euros. Il était prévu que cette pièce ait un cours légal dans l'ensemble de la zone euro. Mais le gouvernement français s'est opposé à ce projet, jugeant que le rappel de cette ultime défaite de Napoléon risquait de créer des tensions inutiles en Europe. En réalité, la France est le seul pays où le nom de Waterloo est synonyme de défaite, ce qui heurte encore aujourd'hui les adeptes du roman national, les admirateurs de Napoléon et de la grandeur de la France. À l'inverse, les autres nations européennes présentent la bataille de Waterloo comme une grande victoire. Il paraît que le duc de Wellington, qui fut l'un des chefs de la coalition victorieuse, fêtait chaque année l'anniversaire de la bataille dans sa demeure londonienne, entourée de ses anciens généraux et officiers d'état-major. Il fit construire à l'intérieur de la tour de Londres une caserne nommée Waterloo Barracks, devant laquelle furent disposées des pièces d'artillerie françaises issues du butin de 1815. Et c'est après Waterloo que les régiments d'infanterie de la garde adoptèrent le célèbre bonnet à poils d'ours de leurs anciens adversaires. Wellington exploita largement sa victoire dans une carrière politique qui lui permit d'occuper le poste de Premier ministre et d'asseoir la domination britannique sur l'Europe tout au long du XIXe siècle. La gare de Waterloo, qui fut ouverte au trafic grande ligne le 11 juillet 1848, fut une autre manière d'entretenir la mémoire de cet événement glorieux pour les Anglais. Mais on trouve aussi des places Waterloo à Amsterdam, à Hanovre, à Berlin. Dans tous les pays qui ont été directement concernés par cette bataille, le rôle héroïque de leurs combattants a également été célébré dans la littérature, la peinture, la gravure, les discours publics. Et pendant longtemps, les historiens ont contribué à façonner une image de Waterloo à géométrie variable pour conforter leur propre chauvinisme national. Comme on le voit, à travers cet exemple, il reste beaucoup de chemin à parcourir pour qu'une Europe de la mémoire puisse vraiment voir le jour. Merci beaucoup, cher Arnaud Ariel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi et merci aux équipes de France Bleu Gironde. Une émission préparée par Anne-Toscane Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Maïwen Guizhou et Valentine Lovrin. Ces missions à écouter, à podcaster ainsi que le pourquoi du comment de Gérard Noiriel sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Les autorités occupantes ont décidé l'arrestation et le rassemblement d'un certain nombre de juifs étrangers. Ils étaient enfants quand la police française est venue les arrêter chez eux, avec leur famille, ce jeudi de juillet où il n'y avait pas école. Perrine Kervran. Désormais nonagénaires, ils n'ont pas oublié cette rafle du Veldiv et ils nous racontent ce crime organisé par l'État français et comment ils y ont survécu. On frappe à la porte chez mes grands-parents avec une grande violence. Ouvrez, police. Les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. La rafle du Veldiv, un crime français, par Alain Lefkovitch. LSD, la série documentaire. 8 épisodes déjà disponibles sur franceculture.fr et l'appli Radio France, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah.